centre du vaisseau, il y avait une estrade en bois à laquelle on accède par quelques marches, sur laquelle était dressé un trône pour l'émir. Ses lieutenants s'asseyaient à ce côté, à sa droite comme à sa gauche. Les esclaves se tenaient debout. Les rameurs formaient un groupe d'une quarantaine de personnes. Cet équipage était flanqué à droite et à gauche de quatre navires dont deux portaient les emblèmes de l'émir, c'est-à-dire les étendards, les timbales, trompettes, clairons, hautbois ou cornemuses. Et les deux autres bateaux contenaient les chanteurs. D'abord, commençaient les timbales et les clairons, auxquels se joignaient les chanteurs. Ils entamaient le concert au petit matin dès l'aube jusqu'à l'heure du déjeuner. Pendant ce temps, les navires s'amarraient les uns aux autres, installaient des passerelles et les musiciens passaient au vaisseau de l'émir. Ils chantaient, ils jouaient jusqu'à la fin de son déjeuner. Alors, ils déjeunaient eux-mêmes, puis revenaient à leur navire.